Section 9. De Essai sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Seconde partie, second PDF. Chapitre 43. 44. Chapitre 43. Seconde révolution de Philippe et d'Alexandre. Nous allons maintenant commencer la seconde révolution, ou le passage des républiques grecques à la monarchie. Le théâtre change. De la ressemblance des événements, nous passons à celle des hommes. Jusqu'ici, les tableaux se sont rapprochés par les sites, mais presque toujours les personnages ont différé. Maintenant, au contraire, les similitudes se montreront dans les groupes, les oppositions dans les fonds. Plus nous avancerons vers des temps de corruption, de lumières et de despotisme, plus nous retrouverons nos temps et nos mœurs. Souvent, nous nous croirons transportés dans nos sociétés, au milieu des grandes femmes et des petits hommes, des philosophes et des tyrans. Des gens rongés de vices pousseront de grands cris de vertu, de beaux livres sur la science de la liberté conduiront les peuples à l'esclavage. Enfin, nous allons nous revoir parmi les 2/3 et demi de sots et le 2/3 de fripons dont nous sommes sans cesse entourés. Périclès avait pris le vrai sentier pour arriver au bonheur, traitant le monde selon sa portée, lorsque la nécessité le forçait d'y paraître, il s'y présentait avec des idées communes et un cœur de glace. Mais le soir, renfermé secrètement avec Aspasie et un petit nombre d'amis choisis, il leur découvrait ses opinions cachées et un cœur de feu. Les sots s'aperçurent de son mépris pour eux, car les sots ont un tact singulier sur cet article, et rien ne les chagrine tant que l'indifférence du mépris. Ils accusèrent donc la tendre amie de Périclès, celui-ci parvint à peine à la sauver par ses larmes, et qui cependant devait prétendre plus que lui à la gratitude de ses concitoyens. Il y comptait peu, ayant étudié les hommes. La reconnaissance est nulle chez le très nécessiteux, parce que le sentiment du premier besoin absorbe tous les autres. Elle existe quelquefois comme vertu chez le mécanique pauvre, mais non indigent. Elle se change en haine dans l'individu placé immédiatement un rang au-dessous du bienfaiteur. Elle pèse aux philosophes, les courtisans l'oublient. Il suit de là qu'il faut faire du bien au petit peuple par devoir, obliger l'artiste par satisfaction de cœur, n'avoir qu'une extrême politesse avec les classes mitoyennes, prêtez seulement aux gens de lettres ce qu'ils peuvent exactement vous rendre et ne donnez aux grands que ce qu'on compte jeter par la fenêtre. À ces petites caricatures de nos sociétés se mêleront aussi nos grandes scènes tragiques. La tyrannie, les proscriptions, les rois jugés et massacrés par les peuples, d'autres tombés du trône et réduits à gagner leur vie du travail de leurs mains, enfin nos hideuses révolutions entourées du cortège de nos vices. On sent qu'il est impossible de suivre maintenant le cours régulier de l'histoire, ni même de s'attacher à de grands détails. Ce qui nous reste à peindre des Grecs consiste en cette partie qui s'étend depuis l'époque que nous avons traitée jusqu'au règne de Philippe et d'Alexandre, où Athènes et Lacédémone perdirent leur liberté, non de nom, mais de fait. Dans cette période qui, à la comptée de l'année de la paix avec les Perses jusqu'à la bataille de Chéronée, renferme un espace de 111 ans, nous saisirons seulement trois traits caractéristiques. Le renversement de la Constitution et le règne des 30 tyrans à Athènes. La chute de Denis le Jeune à Syracuse et par extension la condamnation d'Agis à Sparte. Nous verrons ainsi l'âge de corruption dans les trois principales villes grecques de l'Ancien Monde. Quant à la révolution même de Philippe, nous ne ferons que l'indiquer parce qu'elle ne va pas directement au but de cet ouvrage. Mais en même temps, nous nous étendrons sur le siècle d'Alexandre, dont les rapports avec le nôtre ont été si grands, considérés sous le jour philosophique. Chapitre 44. Renversement de la Constitution et règne des 30 tyrans à Athènes. Déjà 20 années de guerre ont désolé l'Attique. Une peste, non moins destructive, en a enlevé la plus grande partie des habitants et plongé le reste dans tous les vices. Périclès n'est plus, et Alcibiade, fugitif depuis la malheureuse expédition de Sicile, après avoir dirigé quelque temps la Ligue du Péloponnèse contre son pays, est maintenant retiré auprès de Tisapherne, satrape de Lydie. Là, touché des malheurs dont il fut en partie l'instrument, il commence à tourner les yeux vers sa patrie. De leur côté, les citoyens d'Athènes, accablés sous le poids de leur calamité, ayant à lutter à la fois contre toutes les forces du Péloponnèse et de l'Asie, ne voyaient de ressources que dans le génie de leur illustre compatriote. On entama donc des négociations avec Alcibiade, mais celui-ci, banni par le peuple, refusa de retourner à Athènes à moins qu'on ne changeât la forme du gouvernement, en substituant l'oligarchie à la constitution démocratique. Le tyran voulait faire sa couche avant de s'y reposer. Une prompte réconciliation, à quelque prix que ce fût, était devenue d'une nécessité absolue. Agis, avec les forces lacédémoniennes, bloquait Athènes par terre et occupait les campagnes voisines, dont les habitants s'étaient réfugiés dans la capitale. D'un autre côté, l'armée athénienne tenait l'île de Samos qu'elle venait d'emporter, de manière que les habitants de l'Attique se trouvaient divisés en deux parties, l'une servant aux expéditions du dehors, l'autre demeurait à la défense de la ville. La proposition d'Alcibiade, malgré ses circonstances calamiteuses, ne passa pas sans une forte opposition de la part du peuple et des soldats. Mais, comme il ne restait que ce seul moyen d'échapper à une ruine presque inévitable, il fallut enfin se soumettre et consentir à l'abolition de la démocratie. Alors commencèrent à Athènes les scènes tragiques, qui se renouvelèrent bientôt après sous les 30 tyrans. On ne saurait se figurer une position plus affreuse que celle de cette malheureuse cité, ni qui ressembla davantage à l'état de la France durant le règne de la Convention. Attaquée au dehors par 1000 ennemis et prête à succomber sous des armes étrangères, une aristocratie dévorante vint consumer au dedans le reste de ses habitants. D'abord, il fut décrété qu'il n'y aurait plus que les soldats et 5000 citoyens à prendre part aux affaires de la République. Et, pour faire perdre à jamais l'envie de s'opposer aux mesures des conjurés, on se hâta de dépêcher tous ceux qui passaient pour être attachés à l'ancienne constitution. Le peuple et le Sénat s'assemblaient encore, mais si quelqu'un osait délivrer une opinion contraire à la faction, il était immédiatement assassiné. Environnés d'espions et de traîtres, les citoyens craignaient de se communiquer. Le frère redoutait le frère, l'ami se taisait devant l'ami, et le silence de la terreur régnait sur la ville désolée. Ayant établi cette tyrannie provisoire, les conspirateurs procédèrent à l'achèvement d'une constitution. On nomma un comité des 10, chargé de faire incessamment un rapport à ce sujet. Celui-ci, à l'époque fixée, donna son plan, qui consistait à établir un conseil de 400, avec un pouvoir absolu et le droit de convoquer les 5000 à sa volonté. On jugea par le premier acte du nouveau gouvernement ce qu'on devait attendre de sa justice. Les 400, armés de poignards et suivis de leurs satellites, entrèrent au Sénat dont ils chassèrent les membres. Ils renversèrent ensuite les anciens établissements, firent massacrer ou exilèrent les ennemis de leur despotisme. Mais ils ne rappelèrent aucun des anciens bannis dont ils avaient d'abord embrassé la cause, soit dans la crainte d'Alcibiade, soit pour jouir des biens de ces infortunés. Je me figure le monde comme un grand bois, où les hommes s'entr'attendent pour se dévaliser. Cependant l'armée, en apprenant les troubles d'Athènes, se déclara contre la nouvelle constitution. Alcibiade, que les tyrans avaient négligé, qui ne se souciait ni de la démocratie ni de l'aristocratie, et n'entretenait pour les hommes qu'un profond mépris, ne se trouva pas plus disposé à favoriser les conspirateurs. Les soldats, de même que les troupes françaises, fiers de leurs exploits, remarquaient que loin d'être payés par la République, c'était eux au contraire qui la faisaient subsister de leurs conquêtes, et qu'il était temps de mettre fin à tant de calamités en marchant à la ville coupable. Tandis que ces pensées agitaient les esprits, arrive un transfuge d'Athènes. On s'empresse autour de lui, les nouvelles les plus sinistres sortent de sa bouche. Il rapporte que le crime est à son comble, que les tyrans ravissent les épouses, égorgent les citoyens et jettent dans les cachots les familles unies aux soldats par les liens du sang. À ces mots, un cri d'indignation et de fureur s'élève au milieu de l'armée. Elle jure d'exterminer les scélérats, chasse ses officiers partisans de la faction aristocratique, en homme de plus populaire, et rappelle à l'instant Alcibiade. Tout annonçait la chute des 400. Il se trouvait parmi eux des hommes d'un talent extraordinaire. Antiphon parlant peu, mais réviseur des discours de ses collègues. Phrynique, d'un esprit audacieux et entreprenant. Théramenès, plein d'éloquence et de génie. La discorde ne tarda pas à se mettre parmi eux. Les hommes ressemblent peu à ces animaux justes dont parlent les voyageurs qui, après avoir chassé en commun, divisent également le fruit de leur fatigue. Les factieux s'entendent sur la proie, presque jamais sur la dépouille. Théramenès, sentant que le pouvoir leur échappait, revenait peu à peu à l'ancienne constitution et se rangeait du côté du peuple. Phrynique, par des motifs d'ambition, soutenait le nouvel ordre de choses et, pour se ménager des ressources, il députa secrètement à Sparte et se mit à bâtir une forteresse au Pirée afin d'y recevoir les ennemis et de s'y retirer lui-même en cas d'événement. Sur ces entrefaites, on apprend tout à coup qu'il vient d'être assassiné sur la place publique, comme Marat au milieu de ses triomphes. Théramenès, maintenant à la tête du parti populaire, insurge les citoyens et se saisit du général de la faction opposée. Les 400 courent aux armes pour leur défense. À l'instant même, la flotte lacédémonienne se montre à l'entrée du Pirée. Le tumulte est à son comble, Théramenès vole au port, il parle aux soldats, il leur représente que le fort a été élevé par les tyrans, non pour la sûreté de la place, mais pour y introduire l'ennemi de la patrie dont les vaisseaux sont déjà en vue. La rage s'empare des troupes, le fort, rasé jusqu'au fondement, disparaît sous la main empressée d'une multitude furieuse. L'abolition du tribunal des 400 est prononcée par acclamation. Les conjurés épouvantés s'échappent de la ville et la constitution populaire se rétablit au milieu des bénédictions et des cris de joie de la foule. Tels furent ces troubles passagers, où nous retrouvons si bien le caractère de ceux de la France. On y sent le même fond d'immoralité et de vice intérieur. Nous apercevons un gouvernement flattant la soldatesque et s'entourant du militaire, signe certain de ruine et de tyrannie. On y découvre un je ne sais quoi d'étroit en choses et en idées qui fait qu'on s'imagine lire l'histoire de notre propre temps. Ce ne sont plus les Thémistocles, les Aristides, les Simons, ce sont les Robespierre, les Couthons, les Barrères. Au reste, cette révolution d'Athènes tient à un principe politique que nous allons examiner avant de passer aux 30 tyrans. Par un principe généralement adopté des publicistes, les nations ont le droit de se choisir un gouvernement. Et par un autre principe, aussi fameux, que tout pouvoir vient du peuple, elles peuvent reprendre leurs droits et changer leur constitution. C'est ce que firent les Athéniens qui consentirent à l'abolition de la démocratie et la rétablirent ensuite. Voyons où ces principes nous mènent. Des trois partis qui composent la foule, les uns adoptent absolument ces propositions et disent « Une nation a le droit de se choisir un gouvernement parce que celle-ci était avant celui-là, que la première est un corps réel existant dans la nature, dont l'autre n'est qu'une modification, qu'une pensée. La loi ne peut être en ascension de l'effet à la cause, mais descendante du principe à la conséquence. » Tout pouvoir découle ainsi du peuple, et il ne saurait aliéner sa liberté. Car le contrat est nul contre celui qui donne tout et celui qui n'engage rien, entre tel qui ne saurait acheter et tel qui n'a pas le droit de vendre. Les autres nient le tout, et les modérateurs jettent un voile religieux sur ces axiomes. Je ne puis penser de même. Cet air secret fait beaucoup de mal. Le peuple est un enfant. Présentez-lui un hochet dont il sorte des sons, si vous ne lui en expliquez la cause, il le brisera pour voir ce qu'il est produit. Pour moi, j'avoue hautement ce que je crois et suis persuadé qu'en toute occasion la vérité bien expliquée est bonne à dire. Je reçois donc les deux principes, inattaquables dans leur base et indisputables dans le raisonnement. Mais en adoptant la majeure avec les républicains, voyons si nous admettrons la corollaire. Conclurai-je que ce qui est rigoureusement vrai, en logique, soit nécessairement salutaire dans l'application? il y a des vérités abstraites qui seraient absurdes si on voulait les réduire en vérités de pratique. Il y a des vérités négatives et des vérités de mots que le titre de vérité ne rend pas pour cela meilleur. J'ai la fièvre, c'est une vérité. Est-ce une bonne chose que d'avoir la fièvre ? Le chaos où les deux propositions nous plongent est évident de soi. Le peuple a le pouvoir de se choisir un gouvernement, mais il a aussi celui de changer ce gouvernement, puisque toute souveraineté émane de lui. Ainsi, hier une république, aujourd'hui une monarchie, et demain encore une république. Par le premier droit, dira-t-on, une nation courait les risques de tomber dans l'esclavage, comme à Athènes, si elle n'avait le second pour se sauver. D'accord, mais cette seconde faculté ne le livre-t-elle pas à la merci des factieux sans nombre, qui ne vivent que dans les orages, des factieux qui, connaissant trop le penchant inquiet de la multitude, lui persuaderont incessamment que sa constitution du moment est la pire de toutes, par cela même qu'elle en jouit, et un éternel carnage et une éternelle révolution régneront parmi les hommes. Est-il d'ailleurs quelque puissance qui puisse rompre le soir les serments solennels que vous avez faits le matin ? L'honneur, les engagements les plus sacrés, que dis-je, la morale même, ne sont qu'une folie si j'ai le droit incontestable de les violer. Et si par cette violation je crois mériter non des reproches mais des louanges ? Quoi, le manque de foi que vous puniriez dans l'individu, vous le récompenserez dans le corps collectif ? Y a-t-il donc deux vertus, l'une de l'homme et l'autre des nations ? Ô vertu, peux-tu être autre qu'une ? Que si tu es double, tu es triple, quadruple, ou plutôt tu n'es rien qu'un être de raison qui nivelle le scélérat et l'honnête homme, qu'un vain fantôme omniforme modifié selon les cœurs et variant au souffle de l'opinion. Que deviendra l'univers ? Tel est l'abîme où nous font accourir ceux qui tiennent de loin devant nous ces lumières funestes, comme ces phares trompeurs que les brigands allument la nuit sur des écueils pour attirer les vaisseaux au naufrage. Voulez-vous encore vous convaincre davantage de l'illusion de ces préceptes ? Examinez les contradictions où est tombée la Convention en voulant les faire servir à l'économie politique. C'était un crime digne de mort en France à une certaine époque d'oser soutenir qu'une nation n'eût pas le droit de se constituer. L'anarchie est venue et les révolutionnaires n'ont point eu de honte de nier la proposition au soutien de laquelle ils avaient versé tant de sang. Ainsi, ils ont été réduits à abandonner la base de leur propre édifice, tandis qu'ils continuaient d'en suspendre en l'air la coupole. Est-ce supériorité de talent ou foi menteuse ? Pour moi qui, simple d'esprit et de cœur, tire tout mon génie de ma conscience, j'avoue que je crois en théorie au principe de la souveraineté du peuple. Mais j'ajoute aussi que, si on le met rigoureusement en pratique, il vaut beaucoup mieux, pour le génie humain, redevenir sauvage et s'enfuir tout nu dans les bois. Quelques années après la révolution des 400, Athènes fut prise par les lacédémoniens. Lysandre, ayant fait abattre les murailles de la ville, y abolit la démocratie et y nomma 30 citoyens qui devaient s'occuper du soin de faire une nouvelle constitution. Ces hommes pervers s'emparèrent bientôt de l'autorité remise entre leurs mains, faisant connaître les principaux acteurs de cette scène sanglante. À la tête des 30 tyrans paraissait Critias, philosophe et bel esprit de l'école de Socrate. Ce despote avait tous les vices de ceux qui désolèrent si longtemps la France, athée par principe, sanguinaire par plaisir, tyran par inclination, il reniait comme Marat Dieu et les hommes. Théramenès, son collègue, avec plus de talent, avait aussi plus de souplesse. De même que Séyès, amateur de la démocratie, il consentit cependant à devenir l'un des 400, renversa bientôt après leur autorité et fut choisi de nouveau l'un des 30 après la reddition d'Athènes. La première opération de ces misérables fut de s'associer 3000 brigands et de tirer une garde de lacédémones prête à exécuter leurs ordres. Lorsqu'ils se crurent assez forts, ils désarmèrent la cité ainsi que la convention, les sections de Paris, excepté les 3000 qui conservèrent les droits de citoyens. C'est encore de cette manière que les conjurés de France avaient fait des Jacobins les seuls citoyens actifs de la République, tandis que le reste du peuple, plongé dans la nullité et la terreur, tremblait sous un gouvernement révolutionnaire. Désormais certains de leur empire, les 30 lâchèrent la main au crime. Tous les Athéniens soupçonnés d'attachement à l'ancienne liberté, tous ceux qui possédaient quelque fortune, furent enveloppés dans la proscription générale. Critias disait, comme Marat, qu'il fallait à tout hasard faire tomber les principales têtes de la ville. Les monstres en vinrent au point de choisir tour à tour un riche habitant qu'ils condamnaient à mort afin de payer de la confiscation de ses biens les satellites de leur tyrannie. Et, comme si tout dans cette tragédie devait ressembler à celle de Robespierre et de la Convention en France, les corps des citoyens massacrés étaient privés des honneurs funèbres. Cependant, Athènes n'était plus qu'un vaste tombeau, habité par la terreur et le silence. Le geste, le coup d'œil, la pensée même devenaient funestes aux malheureux citoyens. On étudiait le front des victimes, et sur ce bel organe de vérité, les scélérats cherchaient la candeur et la vertu, comme un juge tâche d'y découvrir le crime caché du coupable. Les moins infortunés des Athéniens furent ceux qui, s'échappant dans les ténèbres de la nuit, allaient, dépouillés de tout, traîner le fardeau de leur vie chez les nations étrangères. L'énormité de cette conduite ouvrit enfin les yeux à quelques-uns des tyrans. Théramenès, quoique facile, avait au fond du courage et du penchant à bien faire. Ses atrocités le firent frémir. Il s'y opposa avec magnanimité et sa perte fut résolue. Tallien, de même détesté de Robespierre, se vit sur le point de succomber sous une dénonciation. Mais, plus heureux ou plus adroit que l'Athénien, il détourna le poignard contre l'accusateur même. C'est ainsi que les chances disposent de la vie des hommes. Je vais rapporter l'une auprès de l'autre ces deux accusations célèbres. Nous y verrons que les factions ont toujours parlé le même langage, cherché à s'accuser par les mêmes raisons et à s'excuser sur les mêmes principes. Je ne puis donner une meilleure leçon aux ambitieux, aux partisans des révolutions, que de leur montrer que dans tous les siècles, elles n'ont eu qu'une issue pour ceux qui s'y sont engagés, la tombe. En abolissant les autorités constituées à Athènes, les Trente avaient laissé subsister le Sénat, qui, subjugué par la terreur, ne pouvait leur faire d'ombrage. Ce fut devant ce tribunal que Critias dénonça Théramenès. Le peuple, dans un morne silence, assistait en tremblant au jugement de son dernier défenseur, tandis que les émissaires des tyrans, cachant des poignards sous leurs robes, occupaient les avenues et entouraient les juges. Les parties étant arrivées, Critias prit ainsi la parole. « Sénateur, on accuse notre gouvernement de sévérité, et on ne considère pas que c'est une malheureuse nécessité qui suit la réforme de tout État. Mais Théramenès, lui, membre de ce gouvernement, n'est-il pas, en nous faisant ce reproche, plus coupable qu'un autre? Ah, il n'a pas appris aujourd'hui à conspirer. Se disant l'ami du peuple, il établit le pouvoir des 400. Jugeant que ceux-ci finiraient par succomber, il les abandonna bientôt et se rangea du parti contraire, d'où il en acquit le surnom de Coturne. Sénateur, celui qui trahit sa foi par intérêt, serait-il digne de vivre? Ôter par sa mort un chef aux factieux, dont il entretient les espérances par son audace. Alors, Théramenès, qui de Critias ou de moi, sénateur, est réellement votre ennemi? Je vous en fais juge. J'ai été de son avis lorsqu'il fit punir les délateurs. Mais je me suis opposé à ce qu'on proscrivit les honnêtes gens. Un Léon de Salamine, un Nicias dont la mort épouvante les propriétaires, un Antiphon dont la condamnation fait encore frémir tous ceux qui ont bien mérité de la patrie. J'ai réprouvé la confiscation des biens comme injuste, le désarmement des citoyens comme tendant à affaiblir l'État. J'ai opiné contre les gardes étrangères comme tyranniques, contre le bannissement des Athéniens comme dangereuse à la sûreté de l'État. Ceux qui s'emparent de la fortune des autres et condamnent les innocents au supplice, ne ruinent-ils pas en effet votre autorité, sénateur? On m'accuse de versatilité. Est-ce à Critias à me faire ce reproche? Ennemi du peuple dans la démocratie, ennemi des hommes vertueux dans le gouvernement du petit nombre, il ne veut de la constitution populaire qu'avec la canaille, de la constitution aristocratique qu'avec la tyrannie. Critias, s'apercevant que ce discours faisait impression sur le Sénat, appela ses satellites. « Voilà, dit-il, des patriotes qui ne sont pas disposés à laisser échapper le coupable. En vertu de ma souveraineté, j'efface Théramenès du rôle des citoyens et le condamne à mort. Et moi, s'écrie celui-ci, en s'élançant sur l'autel, je demande que mon procès me soit fait selon la loi. Ne voyez-vous pas, Athéniens, qu'il est aussi aisé d'effacer votre nom du rôle des citoyens que celui de Théramenès ? Critias ordonne aux assassins de s'avancer. On arrache Théramenès de l'autel. Le Sénat, sous le coup du poignard, est obligé de garder le silence. Socrate seul s'oppose courageusement, mais en vain, à l'infâme décret. Le malheureux collègue de Critias, entraîné par les gardes, cherchait en passant à travers la foule à attendrir le peuple. Mais le peuple se souvient-il des bienfaits ? Arrivé au cachot des Trente, Théramenès but avec intrépidité la ciguë et en jetant en l'air les dernières gouttes comme à un festin. « Voilà, dit-il, pour le beau Critias. » N'est-ce pas là la convention ? N'est-ce pas ainsi que ses membres se sont tant de fois traînés dans la boue qu'ils se sont couverts d'accusations infâmes, tandis que l'opinion était enchaînée par des tribunes pleines d'assassins ? Le philosophe y voit plus. Il remarque que partout où les révolutions ont été durables, jamais de pareilles scènes ne les déshonorèrent. Une des époques les plus mémorables de la Révolution française est sans doute celle de la chute de Robespierre. Ce tyran, auquel il ne restait plus qu'un degré à franchir pour s'asseoir sur le trône, résolut d'abattre la tête du modéré Tallien, de même que Critias s'était défait de Théramenès. Il reparut à la convention après une longue absence. On aurait dit que le froid de la tombe collait déjà la langue du misérable à son palais. Obscur, embarrassé, confus, il sembla parler du fond d'un sépulcre. Une autre circonstance non moins remarquable, c'est que son discours, dont on avait ordonné l'impression par la plus indigne des flatteries, n'était pas encore sorti de la presse, que déjà l'homme tout-puissant qu'il avait prononcé avait péri du dernier supplice. Oh ! Altutiduno. Enfin, le jour des vengeances arrivant, on conçoit à peine comment Robespierre, qui devait connaître le cœur humain, fit dénoncer aux Jacobins les députés qu'il voulait perdre. C'était les réduire au désespoir et les rendre, par cela même, formidables. Ils allèrent donc à la Convention, résolus de périr ou de renverser le despote. Celui-ci exerçait encore un tel empire sur ses lâches collègues qu'ils n'osèrent d'abord l'attaquer en face. Mais, s'encourageant peu à peu les uns les autres, l'accusation prit enfin un caractère menaçant. Robespierre veut parler, des cris « d'abat le tyran » retentissent de toutes parts. Tallien sautant à la tribune, « voici, dit-il, un poignard pour enfoncer dans le sein du tyran, si le décret d'accusation est rejeté. » Il ne le fut pas. Barère, abandonnant son ami et se portant lui-même pour délateur, fit pencher la balance contre le malheureux Robespierre. On l'arrête. Délivré par les Jacobins, il se réfugie à l'hôtel de ville où il essaie vainement d'assembler un parti. Mis hors de la loi par un décret de la Convention, déserté de toute la terre, il ne put même échapper à ses ennemis par ce moyen qui nous soustrait à la persécution des hommes, et la fortune le trahit jusqu'à lui refuser un suicide. Arraché par les gardes derrière une table où il avait voulu attenter à ses jours, il fut porté, baigné dans son sang, à la guillotine. Robespierre, sans doute, n'offrait par sa mort qu'une faible expiation de ses forfaits, mais quand un scélérat marche à l'échafaud, la pitié alors compte les souffrances et non les crimes du coupable. Après l'exécution de Théramenès, aucun citoyen, hors le seul Socrate, n'osa s'opposer aux mesures des Trente. Cependant, les émigrés, chassés au dehors par la tyrannie, n'avaient pu trouver un lieu où reposer leur tête. Lacédémone menaçait de sa puissance quiconque recevrait ses infortunés. C'est ainsi que la Convention a poursuivi les Français expatriés et que plusieurs États ont eu la lâcheté d'obéir. Thèbes et Mégare, seuls, donnèrent le courageux exemple que l'Angleterre a renouvelé de nos jours et se firent un devoir d'accueillir l'humanité souffrante. Bientôt, les fugitifs se réunirent sous Thrasybule, citoyen distingué par ses vertus. Leur petite troupe, grosse seulement de 70 héros, s'empara du fort Philée. Les Trente y accoururent avec leur cavalerie, furent repoussés avec perte et, craignant un soulèvement dans Athènes, se retirèrent à Éleusine. La manière dont ils en usèrent avec les habitants de cette ville, apparemment soupçonnés d'attachement au parti contraire, rappelle une des scènes les plus tragiques de la Révolution française. Ayant fait ériger leur tribunal sur la place publique, on publia que chaque citoyen eut à venir inscrire son nom sous prétexte d'un enrôlement. Lorsque la victime s'était présentée, on la faisait passer par une petite porte qui donnait sur la mer, derrière laquelle la cavalerie se trouvait rangée sur deux haies. Le malheureux était à l'instant saisi et livré au juge criminel pour être exécuté. À quelques différences près, on croit voir les massacres du 2 septembre. Tracy Bull, ayant augmenté son parti, s'avança jusqu'au Pirée dont il se saisit. L'opinion commençait à se tourner vers lui et l'on se sentait attendrir en voyant cette poignée d'honnêtes citoyens lutter contre une tyrannie puissante. Il n'y eut pas jusqu'à l'orateur Lysias qui n'envoya 500 hommes aux émigrés d'Athènes. Les 30, avec leur armée, se hâtèrent de venir déloger Tracy Bull. Celui-ci rangea aussitôt en bataille ses soldats, infiniment inférieurs en nombre à ceux de Critias, et posant à terre son bouclier, « Allons, mes amis, s'écria-t-il, en se montrant à ses compagnons d'infortune, allons, combattons pour arracher par la victoire nos biens, notre famille, notre pays, des mains des tyrans. Heureux qui jouira de sa gloire ou recouvrera la liberté par la mort, rien de si doux que de mourir pour la patrie. » Les fugitifs, à ces mots, se précipitèrent sur les troupes ennemies. Le combat était trop inégal pour que le succès fût longtemps douteux. D'un côté la vengeance et la vertu, de l'autre le crime et sa conscience. Les tyrans furent renversés, Critias y perdit la vie, et le reste des 30, épouvantés, se renferma dans Athènes. Après l'action, les soldats des deux parties se parlèrent. Ceux qui combattirent sous Critias étaient du nombre des 5000 habitants qui, comme je l'ai dit, avaient seuls conservé le droit de citoyen. Cléocrite, attaché au parti de Tracy Bull, leur fit sentir la folie de se déchirer pour des maîtres. Les 3000, mécontents de leurs anciens tyrans, en élurent 10 autres qui ne se conduisirent pas moins criminellement que les premiers. Les 30 et leurs factions s'enfuirent à Éleusine. Fin de la section 9.